Chapitre 29e. La porte se referma violemment sur le docteur et le vieux clerc d'huissier, et Paul se trouva seul avant d'avoir pu articuler une syllabe. Il était abasourdi, positivement, il tombait des nues. À quelle cause devait-il attribuer l'incroyable sortie du doux père Tantaine? Sans doute Paul avait tort de parler trop légèrement d'une jeune fille digne de tous ses respects, qui avait droit surtout à sa reconnaissance, mais ce n'était point là, jugeait-il, un cas pendable. Si la conduite de Flavie ne justifiait pas son accès de fatuité, elle expliquait jusqu'à un certain point. Une circonstance futile ajoutait à sa surprise et mettait le comble à son mécontentement. Sa suffisance avait été bien plus affectée que sincère, et il n'en était pas à se mépris railleur de toute morale, mais il avait pensé, en l'affichant, se hausser au niveau de ses complices et mériter leurs éloges. En vérité, il avait mal réussi. Il eut compris et accepté une observation du souriant Hurtebise. Le docteur était l'ami intime de M. Martin Rigal et, par contre, le protecteur naturel de Flavie. Mais quel rapport existait entre le père Tantaine, cette espèce de mendiant cynique, et le riche banquier qui donnait à son héritière 1 million de dots? Aucun, en apparence. Pourquoi donc cette fureur soudaine, ces expressions si véhémentes? Oubliant les douleurs aiguës que lui causait sa blessure au moindre mouvement, Paul s'était dressé sur son lit, et le cou tendu, prêtant l'oreille, il écoutait, espérant recueillir quelque chose de ce qui se passait dans la pièce voisine. Mais toute son attention était inutile. C'était un mur et non une cloison qui séparait la chambre à coucher du petit salon, et il n'entendait rien. Que font-ils? Se demandait-il. Que complotent-ils? Le doux père Tantaine et l'excellent M. Hurtebise avaient traversé rapidement le salon, mais ils s'étaient arrêtés sur le palier. Le souriant docteur avait pris sa physionomie de circonstance, et il s'efforçait de consoler le bonhomme qui paraissait désespéré. « Du courage !» lui disait-il à voix basse. « Du courage, que diable! À quoi bon s'irriter ainsi? Peux-tu revenir sur ce qui est fait? Non. N'est-ce pas? Il est trop tard. D'ailleurs, si tu le pouvais, tu n'en aurais ni la volonté ni la force. » Le vieux clerc d'huissier avait tiré son mouchoir à carreaux, et il essuyait non plus les verres teintés de ses lunettes, mais ses yeux. Il pleurait. « Ah, je ne comprends que trop à cette heure, » murmurait-il, « ce qu'a dû souffrir M. de Mussidan. Pendant que je lui prouvais que sa fille a un amant, j'étais dur, impitoyable, j'en suis puni. Oui, bien cruellement puni. Voyons, mon vieux camarade, n'attachons pas trop d'importance à un propos en l'air, Paul n'est qu'un enfant. » Le bonhomme hocha tristement la tête. « Paul est un misérable, » répondit-il. « Paul n'aime pas Flavie, et elle l'adore. Oh, ce qu'il nous a dit est vrai, trop vrai, je le sens. Entre son père et lui, elle n'hésiterait pas. Pauvre jeune fille, quel avenir !» Il s'interrompit brusquement, et grâce au plus énergique effort de volonté, réussit à ressaisir, en apparence au moins, son sang-froid habituel. « Mais je ne veux pas, » reprit-il, « laisser Flavie ici. Je ne puis lui parler. Tu vas tâcher, docteur, de lui faire entendre raison. » L'excellent M. Hurtebise ne put dissimuler une grimace. « J'en serai, » répondit-il, « pour mes frais d'éloquence. Tu ne seras plus maître de toi, et alors, songe, mon vieil ami, qu'un seul mot livre notre secret. Je t'en prie, je te jure que je saurai, quoi qu'il arrive, me contenir. Soit, je vais essayer. » Il rentra sur ces mots, et le bonhomme, pour l'attendre, s'assit sur une marche de l'escalier, le front entre ses mains. Mademoiselle Flavie se disposait à retourner près de Paul quand le docteur reparut. « Vous ? » fit-elle d'un air mécontent. « Je vous croyais bien loin. J'avais laissé la porte entrebâillée, » dit le digne M. Hurtebise. « Je comptais revenir, ayant à vous parler, et sérieusement, qui plus est. Allons bon, voici que vous froncez vos jolis sourcils. Cela prouve que vous me devinez. Eh bien ? » Oui. « Je viens vous dire que la place de Mademoiselle Martin Rigal n'est pas ici. Je le sais. » Cette réponse fut faite d'un ton si calme et si froid que le souriant docteur faillit en être déconcerté. « Il me semble alors, » commença-t-il, « quoi ? Que je n'y devrais pas être ? Que voulez-vous ? Je place le devoir au-dessus des convenances. Paul est très malade. Il n'a personne près de lui. Qui donc le soignera ? si celle qui doit être sa femme l'abandonne? Paul n'est-il pas comme mon mari? N'a-t-il pas le consentement de mon père? » Ortebise réfléchissait. Il cherchait entre tous ses arguments ce qui devait frapper l'imagination de cet enfant terrible. « Raison de plus, dit-il, pour vous retirer et ne jamais revenir ici. Je suis votre ami, Flavie. Écoutez la voix de mon expérience. Les hommes sont ainsi faits que jamais ils ne pardonnent à une femme de s'être compromise, même pour eux. Toujours un moment vient où ils reprocheront les folies qui ont le plus délicieusement flatté leur amour-propre. Savez-vous ce qu'on dirait le lendemain de votre mariage, si on apprenait que vous êtes venu ici? On dirait que Paul était votre amant, et que cette raison seule a arraché le consentement de votre père. Croyez-moi, ne vous exposez pas à des médisances qui, tôt ou tard, troubleraient votre ménage. » Mademoiselle Flavie était devenue plus rouge qu'une pivoine. Évidemment, le docteur avait frappé juste, elle hésitait. « Laisserai-je donc Paul tout seul ? » objecta-t-elle. « Que pensera-t-il ? » « Paul, mon enfant, est presque remis. Et tenez, si vous êtes raisonnable, je vous promets que demain il ira vous rendre visite. » Ce dernier argument décida Mademoiselle Rigal. « Soit, je vous obéis. Vous ne me direz plus que je suis une méchante entêtée. Le temps de prévenir Paul et je pars. À bientôt. » Le docteur se retira singulièrement surpris de ce facile triomphe, mais ne se doutant pas qu'il le devait à un soupçon déjà éveillé dans l'esprit de Mademoiselle Flavie et qu'il avait confirmé. « Nous l'emportons, » dit-il à son digne associé. « Retirons-nous vite, elle me suit. » Une fois dans la rue seulement, le doux père Tantaine parut recouvrer la pleine possession de soi-même. « Nous l'emportons, » reprit-il. « Oui, pour aujourd'hui, mais demain. Quoi qu'il m'en coûte, je vais hâter le mariage de Paul. Je le puis maintenant sans danger. » Le seul obstacle qui sépare ce garçon des millions de la maison de Chandos aura disparu avant 48 heures. Le digne monsieur Ortebise pâlit à cette confidence, bien qu'elle fût loin d'être inattendue. « Quoi ? » balbutia-t-il. « André, André est bien malade, ami docteur. Je me suis arrêté au plan dont je t'ai parlé, et le plus difficile de la besogne sera fait cette nuit par notre jeune ami Toto Chupin. Par ce garnement ? Tu le jugeais si dangereux il y a 15 jours que tu songeais à t'en défaire. J'y songe encore, et je fais d'une pierre deux coups. Quand, après la chute d'André, on reconnaîtra que l'appui de sa fenêtre a été scié, on cherchera l'auteur de cette abominable action. Mes précautions sont prises, on trouvera Toto à l'hôtel du Pérou. On lui prouvera qu'il a changé un billet de 1000 francs et acheté une scie à main. Le docteur leva au ciel des bras éplorés. « Deviens-tu fou ? » s'écria-t-il. « Toto te dénoncera. J'y compte bien. » Mais d'ici là, nous aurons enterré ce bon père Tantaine. Après, ami docteur, nous enterrons Bé Mascaro. Beaumarchef, le seul qui nous a bien servi, sera en Amérique. La farce sera jouée, la police pourra chercher. Il était difficile, impossible même, de soupçonner que ce bon père Tantaine, qui parlait si allègrement de la police, en était à se demander s'il n'avait pas ses trousses les plus fins limiers de la préfecture. Le sourire refleurit donc sur les lèvres vermeilles du bon docteur. « Décidément, tu réussiras. Mais pour Dieu, hâte-toi. Toutes ces alternatives, ces transes perpétuelles finiront par me rendre malade. » Les deux estimables associés causaient ainsi au coin de la rue Joclet, cachés derrière une voiture de blanchisseuse. Une même préoccupation les retenait là. La promesse de Flavie était-elle sincère? Avait-elle simplement voulu se débarrasser des importunités de l'excellent monsieur Ortebise? Il tenait à le savoir. Flavie avait dit vrai, car après moins de 10 minutes d'observation, ils la virent passer à quelques pas d'eux. « Maintenant, fit le vieux clerc, je me retire plus tranquille. À demain, docteur. » Et sans attendre une réponse, il s'éloigna rapidement dans la direction de la rue Montorgueil, poursuivant tout en marchant son éternel monologue. « Comment arriver, grommelait-il, jusqu'à ce curieux à lunettes d'or. Et personne à qui confier mes inquiétudes. Mais, bah, quand on a 3 personnalités de rechange, on en sauve toujours une. » Il fut interrompu par Beaumarchef qui lui barra le passage au moment où il s'engageait sous la porte cochère de l'honorable placeur. « Je vous guettais, » lui dit l'ancien sous-off. « Imaginez-vous que monsieur de Croisenois est là-haut et qu'il me boit le sang. Il est venu pour parler au patron et je lui ai dit de repasser, mais il s'est assis en déclarant qu'il attendrait. Je ne puis parvenir à le renvoyer. Cette circonstance parut contrarier prodigieusement le père Fantaine. « Remonte, » ordonna-t-il à l'employé de l'agence, « et fais patienter ce marquis de Deliard. Le patron ne saurait tarder à revenir. » Puis, quand il fut sûr que Beaumarchef ne pouvait le voir, il traversa en courant le passage de la reine de Hongrie et disparut dans l'allée de la maison Martin Rigal. « Ma foi, » grommelait-il, « Beaumar pense à ce qu'il voudra. Avant 15 jours, il sera loin. » Il avait tort de suspecter Beaumarchef. L'ex-sous-off ne s'occupait que de sa consigne. On lui avait dit « remonte », il était remonté. On lui avait dit « fais patienter Croisenois », il s'y employait de toute son éloquence. Mais les raisons les meilleures ne pouvaient toucher le marquis, lequel jugeait qu'à attendre ainsi dans un bureau de placement, il compromettait sa dignité. « Sacrebleu !» grognait-il. « On devrait bien ne pas oublier les rendez-vous qu'on donne. » Il s'arrêta. La porte du sanctuaire de l'agence était ouverte, et B. Mascaro apparaissait dans l'encadrement. « Ce n'est pas moi qui suis inexact, monsieur le marquis, » dit-il. « L'exactitude consiste à arriver, non avant l'heure, mais à l'heure. Veuillez consulter votre montre et prendre la peine de passer. » Le marquis, si impertinent avec Beaumarchef, devint fort petit garçon lorsqu'il fut assis dans le cabinet de l'honorable placeur. Il n'osait même pas prendre la parole, et c'est d'un œil inquiet qu'il suivait les mouvements de B. Mascaro, lequel semblait chercher quelque chose parmi des liasses d'imprimés qui encombraient son bureau. Quand il eut trouvé ce qu'il voulait, « Je vous ai fait venir, monsieur le marquis, commença-t-il, pour cette grosse affaire industrielle que vous devez lancer selon nos conventions. Oui, je sais. Nous avons à causer, à nous entendre, à étudier la question. Rien n'est encore décidé, n'est-ce pas? Il faut voir, examiner, tâter le terrain. » L'honorable placeur se permit un petit sifflement assez peu respectueux. « Je vois, cher monsieur, fit-il, que vous me croyez homme à attendre sous l'orme votre bon plaisir. Détrompez-vous. Quand je m'occupe d'une affaire, elle marche. Pendant que vous couriez à vos plaisirs, je travaillais pour vous avec mon ami Catnac, et tout est prêt. » « Comment tout ?»« Mon Dieu, oui. Vos bureaux sont loués, rue Vivienne. Les statuts de votre société sont déposés chez le notaire. Les membres de votre conseil sont choisis. L'imprimeur m'a apporté hier les titres, les prospectus, les circulaires, les affiches. Vous avez signé un traité pour les annonces. Nous commençons demain la publicité. » « Mais c'est invraisemblable, c'est... »« Lisez !» interrompit B. Mascaro en tendant une feuille de papier. « Lisez, et vous serez convaincu. » Croisenois, abasourdi, prit le papier et lut à haute voix. « Mine de cuivre de Tifila, Algérie. Société en commandite par action. Monsieur de Croisenois et compagnie. Capital, 4 millions de francs. La société des mines de Tifila ne s'adresse pas aux spéculateurs téméraires qui consentent à courir les chances aléatoires des placements à gros revenus. Nos souscripteurs ne doivent pas compter sur un intérêt de plus de 6 à 7%. « Eh bien ?» demanda l'honorable placeur. « Que dites-vous de ce début ?» Le marquis ne répondit pas, il achevait tout bas la circulaire. « C'est que tout cela semble vrai ? » murmura-t-il. « Très vrai, très réel. » Sans qu'il y parût, l'amour-propre de B. Mascaro était agréablement chatouillé. « On fait ce qu'on peut, » dit-il modestement. « Je dois fournir un prétexte aux braves gens que je me propose de faire chanter. Je l'ai choisi le meilleur possible. » L'agitation de Croisenois était terrible. Il était de ces gens qui, réduits à vivre au jour le jour, d'expédients et d'industrie, engagent sans souci l'avenir, comme s'ils espéraient qu'entre le moment où ils promettent et celui où il faudra tenir, quelque chose d'inattendu et d'heureux arrivera pour les dégager. Un héritage tombant du ciel ou un tremblement de terre. Acculé dans une situation sans issue, il essaya de se débattre. « Le prétexte est si excellent, objecta-t-il, que ce prospectus nous amènera forcément des souscripteurs sérieux. La postérité de Gogo est éternelle. Que ferons-nous de tout leur argent? Nous le refuserons, donc. Ah, Catnac est un gaillard qui sait manier la loi. Lisez vos statuts. L'article 50 dit que les actions sont nominatives et que vous vous réservez le droit d'accepter ou de refuser telle souscription qu'il vous plaira. » Le marquis les consulta, ces fameux statuts, l'article s'y trouvait. « Soit, fit-il, ceci n'est rien. Que ferons-nous si un de ces malheureux à qui vous allez imposer un certain nombre d'actions vend fictivement ou réellement ses actions à un tiers et s'avisait de nous faire poursuivre par ce tiers ? » Le grave Mascaro souriait. L'article 21, répondit-il, a prévu cette petite manœuvre qui serait tout simplement un contre-chantage. Écoutez-le. Un registre de transfert est déposé au siège de la société. Un transfert ne sera valable qu'autant qu'il aura été autorisé par le gérant et inscrit sur le registre des transferts. Et comment finira cette comédie? Tout naturellement. Vous annoncerez un beau matin que les deux tiers du capital étant absorbés, vous vous mettez en liquidation au terme de l'article 47. 6 mois plus tard, vous faites savoir que la liquidation a produit 0 franc 0 centime. Vous vous lavez les mains et tout est dit. Battu sur tous les points, M. de Croisenois eut recours à un suprême argument. Me lancer dans l'industrie en ce moment, n'est-ce pas risquer d'augmenter les répugnances que peut avoir M. de Mussidan à me donner sa fille, une fois mariée, au contraire? Un petit ricanement bien sec de l'honorable placeur lui coupa la parole. Une fois marié, continua le placeur, quand vous auriez reçu la dot de Mademoiselle Sabine, vous nous tirerez votre courte révérence. C'est là ce que vous pensez, cher monsieur, pur enfantillage. Je vous tiendrai, croyez-le, après comme avant. Il était clair que résister encore serait folie. Commencez donc votre publicité, murmura Croisenois. B. Mascaro lui tendit la main. Voilà qu'est dit, reprit-il. Les premières annonces paraîtront dans les journaux du matin. En retour, demain, dans l'après-midi, vous serez admis officiellement chez M. de Mussidan. Présentez-vous hardiment et tâchez de plaire à Mademoiselle Sabine. Lorsque M. Martin Rigal sortit de son bureau ce soir-là, sa fille fut, pour lui, bien plus affectueuse que de coutume. « Comme je t'aime, cher père, répétait-elle en l'embrassant, que tu es bon. » Malheureusement, il était si préoccupé qu'il ne songea pas à demander à Mademoiselle Flavie la cause de cet accès de tendresse.